Rome, chapitre 9. Ce soir-là, au crépuscule, comme Benedetta avait fait dire à Pierre qu'elle désirait lui parler, il descendit et la trouva dans le salon, en compagnie de Celia, causant toutes deux sous le jour finissant. « Tu sais que je l'ai vue, votre Pierina !» s'écriait la jeune fille, justement comme il entrait. « Oui, oui, et avec Dario encore !» Ou plutôt, elle devait le guetter. Il l'a aperçu qui l'attendait dans une allée du Pincio, et il lui a souri. « J'ai compris tout de suite. Oh, quelle beauté !» Benedetta s'égaya doucement de son enthousiasme. Mais un pli un peu douloureux attristait sa bouche, car, bien que très raisonnable, elle finissait par souffrir de cette passion, qu'elle sentait si naïve et si forte. Que Dario s'amusa, elle le comprenait, puisqu'elle se refusait à lui, qu'il était jeune et qu'il n'était pas dans les ordres. Seulement, cette misérable fille l'aimait trop, et elle craignait qu'il ne s'oubliât, la fleur de beauté excusant tout. Aussi, avoua-t-elle le secret de son cœur en détournant la conversation. « Asseyez-vous, monsieur l'abbé. Vous voyez, nous sommes en train de médire. Mon pauvre Dario est accusé de mettre à mal toutes les beautés de Rome. Ainsi, on raconte qu'il faut voir en lui l'heureux homme qui offre les bouquets de roses dont la Tonietta promène la blancheur au Corso depuis 15 jours. » Celia aussitôt se passionna. « Mais c'est certain, ma chère. D'abord, on a douté. On a nommé le petit Pontecorvo et Moretti, le lieutenant. Et les histoires marchaient, tu penses? Aujourd'hui, tout le monde sait que le coup de cœur de la Tonietta est Dario, en personne. D'ailleurs, il est allé la voir dans sa loge, au Costanzi. » Et Pierre, en les entendant causer, se souvint de cette Tonietta que le jeune prince lui avait montrée au Pincio, une des rares demi-mondaines dont la belle société de Rome se préoccupait. Et il se rappela aussi la galante particularité qui rendait celle-ci célèbre, le caprice désintéressé qu'il apprenait parfois pour un amant de passage dont elle s'obstinait dès lors à n'accepter chaque matin qu'un bouquet de roses blanches. De sorte que, lorsqu'elle apparaissait au Corso, pendant des semaines souvent avec ses roses pures, c'était parmi les dames de la bonne compagnie tout un émoi, toute une ardente curiosité, en quête du nom de l'homme élu et adoré. Depuis la mort du vieux marquis Manfredi, qui lui avait laissé son petit palais de la rue des Milles, la Tonietta était réputée pour la correction de sa voiture, l'élégante simplicité de sa toilette, que déparaient seuls ses chapeaux un peu extravagants. Il y avait près d'un mois que le riche Anglais qui l'entretenait était en voyage. « Elle est très bien, elle est très bien !» répéta Celia avec conviction, de son air candide de vierge qui ne s'intéressait qu'aux choses de l'amour. « Et jolie, avec ses grands yeux doux. Oh, pas belle comme la Pierina, non, cela est impossible. Mais jolie à voir, une vraie caresse pour le regard. » D'un geste involontaire, Benedetta sembla écarter la Pierina de nouveau. Et quant à la Tonietta, elle l'acceptait. Elle savait bien qu'elle était une simple distraction, la caresse d'un moment, ainsi que le disait son amie. Ah, reprit-elle en souriant. Mon pauvre Dario qui se ruine en roses blanches. Il faudra que je le plaisante un peu. Elles finiront par me le voler. Elles ne me le laisseront pas, pour peu que notre affaire tarde à s'arranger. Heureusement, j'ai de meilleures nouvelles. Oui, l'affaire va être reprise et ma tante est sortie justement pour ça. Et comme Celia se levait au moment où Victorine apportait une lampe, Benedetta se tourna vers Pierre, qui se mettait également debout. « Restez, il faut que je vous parle !» Mais Celia s'attarda encore, se passionnant maintenant pour le divorce de son ami, voulant savoir où en étaient les choses et si le mariage des deux amants aurait bientôt lieu. Et elle l'embrassa éperdument. « Alors, tu as de l'espoir désormais. Tu crois que le Saint-Père te rendra ta liberté ?»« Oh, ma chérie, que je suis heureuse pour toi. Que ce sera gentil quand tu seras avec Dario. » Moi, ma chérie, je suis de mon côté très contente, parce que je vois bien que mon père et ma mère se lassent de mon entêtement. Hier encore, je leur ai dit, tu sais, de mon petit air tranquille, « Je veux Attilio, et vous me le donnerez. » Alors, mon père a eu une colère épouvantable, m'accablant d'injures, me menaçant du poing, criant que, s'il m'avait fait la tête aussi dure que la sienne, il la briserait. Et tout d'un coup, il s'est tourné furieusement vers ma mère, silencieuse et ennuyée, en disant « Eh, donnez-le-lui donc son Attilio pour qu'elle nous fiche la paix. » « Oh, ce que je suis contente! Ce que je suis contente !» Pierre et Benedetta ne purent s'empêcher de rire, tellement son visage de vierge, d'une pureté de lys, exprimait une joie innocente et céleste. Et elle partit enfin en compagnie de la femme de chambre qui l'attendait dans le premier salon. Dès qu'ils furent seuls, Benedetta fit rasseoir le prêtre. « Mon ami, c'est un conseil pressant qu'on m'a chargé de vous donner. Il paraît que le bruit de votre présence à Rome se répand et qu'on fait circuler sur vous les histoires les plus inquiétantes. Votre livre serait un appel ardent au schisme. Vous-même ne seriez qu'un schismatique, ambitieux et turbulent, qui, après avoir publié son œuvre à Paris, se serait empressé d'accourir à Rome pour la lancer. » En déchaînant tout un affreux scandale autour d'elle. Si vous tenez toujours à voir sa sainteté pour plaider votre cause, on vous conseille donc de vous faire oublier, de disparaître complètement pendant 2 à 3 semaines. » Pierre écoutait dans la stupeur. « Mais on finirait par le rendre enragé. Mais on la lui donnerait l'idée du schisme. » D'un scandale justicier et libérateur, en le promenant ainsi d'échec en échec, comme pour user sa patience. Il voulut se récrier, protester. Puis, il eut un geste de lassitude. À quoi bon, devant cette jeune femme, qui, certainement, était sincère et affectueuse? Qui vous a prié de me donner ce conseil? Elle ne répondit pas. Se contenta de sourire, et il eut une brusque intuition. « C'est Monsignor Ennani, n'est-ce pas ?» Alors, sans vouloir répondre directement, elle se mit à faire un éloge ému du prélat. Cette fois, il consentait à la diriger dans l'interminable affaire de l'annulation de son mariage. Il en avait conféré longuement avec sa tante, Donna Serafina, qui venait justement de se rendre au palais du Saint-Office pour lui rendre compte de certaines premières démarches. Le père Lorenza, le confesseur de la tante et de la nièce, devait aussi se trouver à l'entrevue, car cette affaire du divorce était au fond son œuvre. Il y avait toujours poussé les deux femmes, comme pour trancher le lien qu'avait noué, au milieu de si belles illusions, le curé patriote Pisoni. Et elle s'animait, disait les raisons de son espérance. « Monsignor Ennani peut tout, c'est ce qui me rend si heureuse maintenant que mon affaire est entre ses mains. Mon ami, soyez raisonnable vous aussi, ne vous révoltez pas, abandonnez-vous, je vous assure que vous vous en trouverez bien un jour. » La tête basse, Pierre réfléchissait. Rome l'avait enveloppé, il y satisfaisait à chaque heure des curiosités plus vives, et la pensée d'y rester 2 à 3 semaines encore n'avait rien pour lui déplaire. Sans doute, il sentait, dans ses continuels retards, un émiettement possible de sa volonté, une usure d'où il sortirait diminué, découragé, inutile. Mais que craignait-il, puisqu'il se jurait toujours de ne rien abandonner de son livre, de ne voir le Saint-Père que pour affirmer plus hautement sa foi nouvelle. Il refit tout bas ce serment, puis il céda. Et comme il s'excusait d'être un embarras au palais, « Non !» s'écria Benedetta. « Je suis si ravie de vous avoir. Je vous garde. Je m'imagine que votre présence ici va nous porter bonheur à tous, maintenant que la chance semble tourner. » Ensuite, il fut convenu qu'il n'irait plus rôder autour de Saint-Pierre ni du Vatican, où la vue continuelle de sa soutane devait avoir éveillé l'attention. Il promit même de rester 8 jours sans presque sortir du palais, désireux de relire certains livres, certaines pages d'histoire, à Rome même. Et il causa encore un instant, heureux du grand calme qui régnait dans le salon, depuis que la lampe l'éclairait d'une clarté dormante. 6 heures venaient de sonner, la nuit était noire dans la rue. « Son éminence n'a-t-elle pas été souffrante aujourd'hui ? » demanda-t-il. « Mais oui, » répondit la contessina. « Oh, un peu de fatigue seulement, nous ne sommes pas inquiets. Mon oncle m'a fait prévenir par Don Vigilio qu'il s'enfermait dans sa chambre et qu'il le gardait pour lui dicter des lettres. Vous voyez que ce ne sera rien. » Le silence retomba. Aucun bruit ne montait de la rue déserte, ni du vieux palais vide, muet et songeur comme une tombe. Et à ce moment, dans ce salon si mollement endormi, plein désormais de la douceur d'un rêve d'espoir, il y eut une entrée en tempête, un tourbillon de jupes, une haleine entrecoupée d'épouvante. C'était Victorine qui, disparue depuis qu'elle avait apporté la lampe, revenait essoufflée, effarée. « Contessina ! Contessina !» Benedetta s'est élevée, toute blanche, toute froide soudainement, comme à l'entrée d'un vent de malheur. « Quoi ? Quoi ? Qu'as-tu à courir et à trembler ?»« Dario ! Monsieur Dario, en bas ! J'étais descendue pour voir si l'on avait allumé la lanterne du porche, parce qu'on l'oublie souvent. Et là, sous le porche, dans l'ombre, j'ai buté contre Monsieur Dario. » « Il est par terre. Il a un coup de couteau quelque part. » Un cri jaillit du cœur de l'amoureuse. « Mort ! Non, non, blessé !» Mais elle n'entendait pas. Elle continuait à crier d'une voix qui montait. « Mort ! Mort ! Non, non, il m'a parlé. Et de grâce, taisez-vous. Il m'a fait taire, moi, parce qu'il ne veut pas qu'on sache. Il m'a dit de venir vous chercher, vous, vous seul. » Et tant pis, puisque monsieur l'abbé est là, il va descendre nous aider. Cela ne sera pas de trop. Pierre l'écoutait, éperdu lui aussi. Et lorsqu'elle voulut prendre la lampe, sa main droite qui tremblait apparut tachée de sang, ayant sans doute tâté le corps par terre. Cette vue fut si horrible pour Benedetta qu'elle se remit à gémir follement. Taisez-vous donc, taisez-vous donc. « Descendons sans faire de bruit. Je prends la lampe, parce que tout de même, il faut voir clair. Vite, vite !» En bas, en travers du porche, devant l'entrée du vestibule, Dario gisait sur le dallage. Comme si, frappé dans la rue, il n'avait eu que la force de faire quelques pas pour tomber là. Et il venait de s'évanouir, très pâle, les lèvres pincées, les yeux clos. Benedetta, qui retrouvait l'énergie de sa race dans l'excès de sa douleur, ne se lamentait plus, ne criait plus, le regardait de ses grands yeux secs, élargis et fous, sans comprendre. L'horrible, c'était le coup de foudre de la catastrophe, l'imprévu, l'inexpliqué, le pourquoi et le comment de ce meurtre, au milieu du silence noir du vieux palais désert, envahi par la nuit. La blessure devait saigner très peu, les vêtements seuls étaient souillés. « Vite, vite !» répéta Victorine à demi-voix, après avoir baissé et promené la lampe pour se rendre compte. « Le portier n'est pas là. Il est toujours chez le menuisier d'à côté, à rire avec la femme. Et vous voyez qu'il n'a pas encore allumé la lanterne. Mais il peut rentrer. Monsieur l'abbé et moi, nous allons vite monter le prince dans sa chambre. » Elle seule avait maintenant toute sa tête, en femme de bel équilibre et de tranquille activité. Les deux autres, dans leur stupeur persistante, l'écoutaient sans trouver un mot, lui obéissant avec une docilité d'enfant. « Contessina, il va falloir que vous nous éclairiez. Tenez, prenez la lampe et baissez-la un peu pour qu'on voie les marches. Vous, monsieur l'abbé, chargez-vous des pieds. Moi, je vais prendre sous les bras. Et n'ayez pas peur, le pauvre cher mignon n'est pas si lourd. » Ah, cette montée, par l'escalier monumental, aux marches basses, aux paliers larges comme des salles d'armes. Cela facilitait le cruel transport. Mais quel lugubre cortège, sous la faible clarté vacillante de la lampe, que Benedetta tenait d'un bras tendu et raidi par la volonté. Et pas un bruit, pas un souffle dans la vieille demeure morte où l'on n'entendait que l'émiettement des murs, le petit travail de ruine qui achevait de faire craquer les plafonds. Victorine continuait à chuchoter des recommandations, tandis que Pierre, de peur de glisser au bord des pierres luisantes, déployait une force exagérée qui l'essoufflait. De grandes ombres folles dansaient le long des piliers, des vastes murailles nues, jusqu'à la haute voûte décorée de caissons. Il fallut faire une halte, tant l'étage paraissait interminable. Puis la lente marche fut reprise. Heureusement, l'appartement de Dario, composé de 3 pièces, une chambre, un cabinet de toilette et un salon, se trouvait au premier, à la suite de celui du cardinal, dans l'aile qui donnait sur le Tibre. Ils n'avaient plus qu'à suivre la galerie en étouffant le bruit de leurs pas. Et enfin, ils eurent le soulagement de coucher le blessé sur son lit. Victorine en eut un léger rire de satisfaction. « C'est fait. Débarrassez-vous donc de la lampe, Contessina. Tenez, ici, sur cette table. Et je vous réponds bien que personne ne nous a entendus. D'autant plus que c'est une vraie chance que Donna Serafina soit sortie et que son éminence ait gardé Don Vigilio avec elle, les portes closes. J'avais enveloppé les épaules dans ma jupe. Pas une goutte de sang n'a dû tomber. Et tout à l'heure, je donnerai moi-même un coup d'éponge en bas. » Elle s'interrompit, alla regarder Dario, puis vivement. « Il respire. Alors, je vous laisse là tous les deux pour le garder. Et moi, je cours chercher le bon docteur Giordano, qui vous a vu naître, Contessina, et qui est un homme sûr. » Quand ils furent seuls, en face du blessé évanoui, dans cette chambre à demi-obscure, où semblait frissonner maintenant tout l'affreux cauchemar qui était en eux, Benedetta et Pierre restèrent aux deux côtés du lit, sans trouver encore un mot à se dire. Elle avait ouvert les bras, s'était tordu les mains, avec un gémissement sourd, dans un besoin de détendre et d'exhaler sa douleur. Puis, se penchant, elle guetta la vie sur ce visage pâle aux yeux fermés. Il respirait, en effet, mais d'une respiration très lente, à peine sensible. Une faible rougeur pourtant montait à ses joues, et il finit par ouvrir les yeux. Tout de suite, elle lui avait pris la main, la lui avait serrée comme pour y mettre l'angoisse de son cœur, et elle fut si heureuse de sentir qu'il lui rendait faiblement son étreinte. « Dis, tu me vois? Tu m'entends? Qu'est-il arrivé, mon Dieu ?» Mais lui, sans répondre, s'inquiétait de la présence de Pierre. Quand il l'eut reconnu, il parut l'accepter, cherchant du regard, avec crainte, si personne autre n'était dans la chambre. Et il finit par murmurer « Personne n'a vu? Personne ne sait? Non, non, tranquillise-toi. Nous avons pu te monter avec Victorine sans rencontrer âme qui vive. Ma tante est sortie, mon oncle est enfermé chez lui. » Alors il sembla soulagé, il eut un sourire. « Je veux que personne ne sache, c'est si bête. Qu'est-il donc arrivé, mon Dieu ? » demanda-t-elle de nouveau. Ah, « Je ne sais pas, je ne sais pas. » Il abaissait les paupières d'un air de fatigue, tâchant d'échapper à la question. Puis, il dut comprendre qu'il ferait mieux de dire tout de suite une partie de la vérité. « Un homme qui s'était caché dans l'ombre du porche au crépuscule et qui devait m'attendre, sans doute, alors quand je suis rentrée, il m'a planté son couteau, là, dans l'épaule. » Frémissante, elle se pencha encore, le regarda au fond des yeux en demandant « Mais qui donc ? Qui donc cet homme ?» Et comme il bégayait d'une voix de plus en plus lasse qu'il ne savait pas, que l'homme avait fui dans les ténèbres sans qu'il pût le reconnaître, elle eut un cri terrible. « C'est Prada ! C'est Prada ! Dis-le, puisque je le sais !» Elle délirait. « Je le sais, entends-tu ? Je n'ai pas été à lui. Il ne veut pas que nous soyons l'un à l'autre. Et il te tuera plutôt le jour où je serai libre de me donner à toi. Je le connais bien. Jamais je ne serai heureuse. C'est Prada ! C'est Prada !» Mais une brusque énergie avait soulevé le blessé et il protestait loyalement. « Non, non, ce n'est pas Prada. Et ce n'est pas un homme travaillant pour lui. Ça, je te le jure. Je n'ai pas reconnu l'homme, mais ce n'est pas Prada. Non, non. » Dario avait un tel accent de vérité que Benedetta dut être convaincue. D'ailleurs, elle fut reprise d'épouvante. Elle sentit la main qu'elle tenait mollir dans la sienne, redevenir moite et inerte, comme si elle se glaçait. Épuisé par l'effort qu'il venait de faire, il était retombé, la face de nouveau toute blanche, les yeux clos, évanoui. Et il semblait mourir. Éperdue, elle le toucha de ses mains tâtonnantes. « Monsieur l'abbé, voyez donc, mais il se meurt, mais il se meurt, le voici déjà tout froid. « Ah, grand Dieu, il se meurt !» Pierre, qu'elle bouleversait avec ses cris, s'efforça de la rassurer. « Il a trop parlé, il a perdu connaissance, comme tout à l'heure. Je vous assure que je sens son cœur battre. Tenez, mettez votre main. De grâce, ne vous affolez pas, le médecin va venir, tout ira très bien. » Et elle ne l'écoutait pas. Et il assista alors à une scène extraordinaire qui l'emplit de surprise. Brusquement, elle s'était jetée sur le corps de l'homme adoré. Elle le serrait d'une étreinte frénétique. Elle le baignait de larmes. Elle le couvrait de baisers en balbutiant des paroles de flamme. « Ah, si je te perdais ! Si je te perdais ! Et je ne me suis pas donnée à toi. J'ai eu cette bêtise de me refuser, lorsqu'il était temps encore de connaître le bonheur. Oui, une idée pour la Madone, une idée que la virginité lui plaît et qu'on doit se garder vierge à son mari si l'on veut qu'elle bénisse le mariage. Qu'est-ce que ça pouvait lui faire que nous fussions heureux tout de suite ? Et puis, vois-tu, si elle m'avait trompée, si elle te prenait avant que nous eussions dormi au bras l'un de l'autre, eh bien, je n'aurais plus qu'un regret, celui de ne m'être pas damnée avec toi. Oui, oui, la damnation, plutôt que de ne pas nous être possédés de tout notre sang, de toutes nos lèvres. » Était-ce donc la femme si calme, si raisonnable, qui patientait pour mieux organiser son existence ? Pierre, terrifié, ne la reconnaissait plus. Jusque-là, il l'avait vue d'une telle réserve, d'une pudeur si naturelle, dont le charme presque enfantin semblait venir de sa nature elle-même. Sans doute, sous le coup de la menace et de la peur, le terrible sang des Boccanera venait de se réveiller en elle. tout un atavisme de violence, d'orgueil, de furieux appétits exaspérés et déchaînés. Elle voulait sa part de vie, sa part d'amour. Et elle grondait, elle clamait, comme si la mort, en lui prenant son amant, lui arrachait de sa propre chair. « Je vous en supplie, madame, » répétait le prêtre, « calmez-vous. Il vit, son cœur bat. Vous vous faites un mal affreux. » Mais elle voulait mourir avec lui. « Oh, mon chéri, si tu t'en vas, emporte-moi, emporte-moi. Je me coucherai sur ton cœur, je te serrerai si fort entre mes deux bras qu'ils entreront dans les tiens et qu'il faudra bien qu'on nous enterre ensemble. Oui, oui, nous serons morts et nous serons mariés tout de même. Je t'ai promis de n'être qu'à toi, je serai à toi malgré tout, dans la terre s'il le faut. » « Oh, mon chéri, ouvre les yeux, ouvre la bouche, baise-moi, si tu ne veux pas que je meure à mon tour quand tu seras mort. » Dans la chambre morne, aux vieux murs assoupis, toute une flambée de passions sauvages, de feu et de sang avait passé. Mais les larmes gagnèrent Benedetta, de gros sanglots la brisèrent, la jetèrent au bord du lit, aveuglée, sans force. Et, heureusement, mettant fin à la farouche scène, le médecin parut, amené par Victorine. Le docteur Giordano, qui avait dépassé la soixantaine, était un petit vieillard à boucles blanches, rasé et frais de teint, dont toute la personne paterne avait pris une allure d'aimable prélat au milieu de sa clientèle d'église. Et il était excellent homme, disait-on. Soigner les pauvres pour rien, se montrer surtout d'une réserve et d'une discrétion ecclésiastique dans les cas délicats. Depuis 30 ans, tous les Boccanera, les enfants, les femmes, et jusqu'à l'éminentissime cardinal lui-même, ne passaient que par ses mains prudentes. Doucement, éclairé par Victorine, aidé par Pierre, il déshabilla Dario, que la douleur tira de son évanouissement, examina la blessure, la déclara tout de suite sans danger de son air souriant. « Ce ne serait rien, 3 semaines de lit au plus, et aucune complication à craindre. » Et, comme tous les médecins de Rome, en amoureux des beaux coups de couteau qu'il avait journellement à soigner, parmi ses clients de hasard du bas-peuple, il s'attardait avec complaisance à la plaie, l'admirait en connaisseur, trouvait sans doute que c'était là de la besogne bien faite. Il finit par dire au prince à demi-voix « Nous appelons ça un avertissement. L'homme n'a pas voulu tuer. Le coup a été porté de haut en bas, de façon à glisser dans les chairs, sans même intéresser l'os. Ah, il faut être adroit. C'est joliment planté. » Oui, oui, murmura Dario. Il m'a épargné. Il m'aurait troué de part en part. Benedetta n'entendait point. Depuis que le médecin avait déclaré le cas sans gravité aucune, en expliquant que la faiblesse et l'évanouissement ne venaient que de la violente secousse nerveuse, elle était tombée sur une chaise dans un état de prostration absolue. C'était la détente de la femme après l'affreuse crise de désespoir. Des larmes douces, lentes, se mirent à couler de ses yeux, et elle se releva. Elle vint embrasser Mario avec une effusion de joie passionnée et muette. « Dites donc, mon bon docteur, reprit celui-ci, il est inutile qu'on sache, c'est si ridicule cette histoire. Personne n'a rien vu, paraît-il, excepté monsieur l'abbé à qui je demande le secret. Et n'est-ce pas qu'on n'aille pas surtout inquiéter le cardinal, ni même ma tante, enfin aucun des amis de la maison. » Le docteur Giordano eut un de ses tranquilles sourires. « Bien, bien. « C'est naturel, ne vous tourmentez pas. pour tout le monde. Vous êtes tombé dans l'escalier et vous vous êtes démis l'épaule. Et maintenant que vous voilà pensé, tâchez de dormir sans trop de fièvre. Je reviendrai demain matin. » Alors, des jours de grand calme s'écoulèrent lentement. Une vie nouvelle s'organisa pour Pierre. Il resta les premières journées sans même sortir du vieux palais ensommeillé, lisant, écrivant, n'ayant chaque après-midi jusqu'au crépuscule que la discrétion d'aller s'asseoir dans la chambre de Dario, où il était certain de trouver Benedetta. Après 48 heures d'une fièvre assez intense, la guérison avait pris son train accoutumé. Et les choses marchaient pour le mieux. L'histoire de l'épaule démise était acceptée par tout le monde, à ce point que le cardinal exigea de la stricte économie de Donna Serafina qu'une seconde lanterne fût allumée sur le palier, pour qu'un tel accident ne se renouvelât plus. Dans cette paix monotone qui se refaisait, il n'y eut qu'une secousse dernière, une menace de trouble plutôt, à laquelle Pierre fut mêlé, un soir qu'il s'attardait près du convalescent. Comme Benedetta s'était absentée quelques minutes, Victorine, qui avait monté un bouillon, se pencha en reprenant la tasse pour dire très bas au prince « Monsieur, c'est une jeune fille. Vous savez, la Pierina qui vient tous les jours en pleurant demander de vos nouvelles. Je ne puis la renvoyer, elle rôde, et j'aime mieux vous prévenir. » Malgré lui, Pierre avait entendu. Et il eut une brusque certitude. Il comprit tout d'un coup. Dario, qui le regardait, vit bien ce qu'il pensait. Aussi, sans répondre à Victorine, « Eh oui, l'abbé, c'est cette brute de Tito. Je vous demande un peu, est-ce assez bête ?» Mais, bien qu'il se défendît d'avoir rien fait, pour que le frère lui donnât l'avertissement de ne pas toucher à sa sœur, il souriait d'un air d'embarras, très ennuyé, un peu honteux même d'une pareille histoire. Et il fut évidemment soulagé lorsque le prêtre promit de voir la jeune fille si elle revenait et de lui faire comprendre qu'elle devait rester chez elle. Une aventure stupide, stupide, répétait le prince en exagérant sa colère, comme pour se railler lui-même. Vraiment, c'est d'un autre siècle. Brusquement, il se tut. Benedetta rentrait. Elle revint s'asseoir près de son cher malade. Et la douce veillée continua dans la vieille chambre assoupie, dans le vieux palais mort, d'où ne montait pas un souffle. Pierre, quand il sortit de nouveau, ne se hasarda d'abord que dans le quartier pour prendre l'air un instant. Cette rue Giulia l'intéressait. Il savait son ancienne splendeur au temps de Jules II, qui la rectifia et la rêva bordée de palais splendides. Pendant le carnaval, des courses y avaient lieu. On partait à pied ou à cheval du palais Farnèse pour aller jusqu'à la place Saint-Pierre. Et il venait de lire que l'ambassadeur du roi de France, d'Estrée, marquis de Couret, qui habitait le palais Sacchetti, y avait fêté magnifiquement, en 1630, la naissance du dauphin en y donnant 3 grandes courses du pont Sisto à Saint-Jean des Florentins, avec un déploiement de luxe extraordinaire, la rue jonchée de fleurs, toutes les fenêtres pavoisées des plus riches tentures. Le second soir, une machine de feu d'artifice fut tirée sur le Tibre, représentant la nef Argo qui emportait Jason à la conquête de la toison d'or. Une autre fois, la fontaine des Farnèses, le Mascherone, coula du vin. Combien ces temps étaient lointains et changés. Et aujourd'hui, quelle rue de solitude et de silence, dans la grandeur triste de son abandon, large et toute droite, ensoleillée ou ténébreuse, au milieu du quartier désert. Dès 9 heures, le plein soleil l'enfilait, blanchissait le petit pavé de la chaussée, plate et sans trottoir. tandis que sur les deux côtés qui passaient alternativement de la vive lumière à l'ombre épaisse, les palais anciens, les lourdes et vieilles maisons, dormaient. Des portes antiques, bardées de plaques et de clous, des fenêtres barrées par d'énormes grilles de fer, des étages entiers aux volets clos, comme cloués pour ne plus laisser entrer la clarté du jour. Quand les portes restaient ouvertes, on apercevait des voûtes profondes, des cours intérieures, humides et froides, tachées de verdure sombre, et que, pareils à des cloîtres, des portiques entouraient. Puis, dans les dépendances, dans les constructions basses qui avaient fini par se grouper là, surtout du côté des ruelles dévalant au bord du Tibre, des petites industries silencieuses s'étaient installées. Un boulanger, un tailleur, un relieur, des commerces obscurs, des fruiteries avec 4 tomates et 4 salades sur une planche, des débits de vin qui affichaient les crus de Frascati et de Genzano, et où les buveurs semblaient morts. Vers le milieu de la rue, la prison qui s'y trouve actuellement, avec son abominable mur jaune, n'était point faite pour l'égayer. Toute une volée de fils télégraphiques suivait de bout en bout ce long couloir de tombe aux rares passants, où s'émiettait la poussière du passé, de l'arcade du palais Farnèse à l'échappée lointaine, au-delà du fleuve, sur les arbres de l'hôpital du Saint-Esprit. Mais surtout, le soir, dès la nuit faite, Pierre était saisi par la désolation, la sorte d'horreur sacrée que la rue prenait. Pas une âme, l'anéantissement absolu. Pas une lumière aux fenêtres, rien que la double file des becs de gaz, très espacés, des lueurs affaiblies de veilleuses, mangées par les ténèbres. Les portes verrouillées, barricadées, d'où pas un bruit, pas un souffle ne sortait. Seulement, de loin en loin, un débit de vin éclairé, des vitres dépolies derrière lesquelles brûlait une lampe, dans une immobilité complète, sans un éclat de voix, sans un rire. Et il n'y avait de vivante que les 2 sentinelles de la prison, l'une devant la porte, l'autre au coin de la ruelle de droite, toutes les 2 debout et figées dans la rue morte. D'ailleurs, le quartier entier le passionnait. Cet ancien beau quartier, tombé à l'oubli, si écarté de la vie moderne, n'exhalant désormais qu'une odeur de renfermé, la fade et discrète odeur ecclésiastique. Du côté de Saint-Jean des Florentins, à l'endroit où le nouveau cours Victor-Emmanuel est venu tout éventré, l'opposition était violente entre les hautes maisons à 5 étages, sculptées, éclatantes, à peine finies, et les noires demeures, affaissées et borgnes des ruelles voisines. Le soir, des globes électriques étincelaient d'une blancheur éblouissante, tandis que les quelques becs de gaz de la rue Giulia et des autres rues n'étaient plus que des lampions fumeux. C'étaient d'anciennes voies célèbres, la rue des Banchi Vecchi, la rue du Pellegrino, la rue de Monserrato, puis une infinité de traverses qui les coupaient, qui les reliaient, allant toutes vers le Tibre, si étroites que les voitures y passaient difficilement. Et chacune avait son église, une multitude d'églises, presque semblables, très décorées, très dorées et peintes, ouvertes seulement aux heures des offices, pleines alors de soleil et d'encens. Rue Giulia, outre Saint-Jean des Florentins, outre San Biagio della Pagnotta, outre Sant'Eligio degli Orefici, se trouvait dans le bas, derrière le palais Farnèse, l'église des morts, où il aimait entrer pour y rêver à cette sauvage Rome, aux pénitents qui desservaient cette église et dont la mission était d'aller ramasser, dans la campagne, les cadavres abandonnés qu'on leur signalait. Un soir, il y assista au service de 2 corps inconnus, depuis 15 jours sans sépulture, qu'on avait découvert dans un champ, à droite de la voie à Pienne. Mais la promenade préférée de Pierre devint bientôt le nouveau quai du Tibre, devant l'autre façade du palais Boccanera. Il n'avait qu'à descendre le Vicolo, l'étroite ruelle, et il débouchait dans un lieu de solitude, où les choses l'emplissaient d'infinies pensées. Le quai n'était pas achevé, les travaux semblaient même abandonnés complètement. C'était tout un chantier immense, encombré de gravats, de pierres de taille, coupé de palissades à demi rompues et de baraques à outils dont les toits s'effondraient. Sans cesse, le lit du fleuve s'est exhaussé, tandis que les fouilles continuelles ont abaissé le sol de la ville, haut de bord. Aussi, était-ce pour la mettre à l'abri des inondations qu'on venait d'emprisonner les eaux dans ces gigantesques murs de forteresse. Et il avait fallu surélever les anciennes berges à un tel point que, sous l'abri de son portique, la terrasse du petit jardin des Boccanera, avec son double escalier où l'on amarrait autrefois les bateaux de plaisance, se trouvait en contrebas, menacée d'être ensevelie et de disparaître quand on achèverait les travaux de voirie. Rien encore n'était nivelé, les terres rapportées restaient là telles que les tombereaux les déchargeaient. Il n'y avait partout que des fondrières, des éboulements, au milieu des matériaux laissés à l'abandon. Seuls des enfants misérables venaient jouer parmi ces décombres où le palais s'enfonçait. Des ouvriers sans travail dormaient lourdement au grand soleil, des femmes étendaient leurs pauvres lessives sur les tas de cailloux. Et cependant, c'était pour Pierre un asile heureux, de paix certaine, inépuisable en songerie, lorsqu'il s'y oubliait pendant des heures à regarder le fleuve et les quais et la ville, en face, aux deux bouts. Dès 8 heures, le soleil dorait la vaste trouée de sa lumière blonde. Quand il regardait là-bas, vers la gauche, il apercevait les toits lointains du Transtévère, qui se découpaient d'un gris bleu noyé de brume sur le ciel éclatant. Vers la droite, le fleuve faisait un coude au-delà de l'abside ronde de Saint-Jean des Florentins. Les peupliers de l'hôpital du Saint-Esprit drapaient sur l'autre rive leurs verdoyants rideaux, laissant voir à l'horizon le profil clair du château Saint-Ange. Mais surtout, il ne pouvait détacher les yeux de la berge d'en face, car un morceau de la très vieille Rome y était demeuré intact. Du pont Sisto au pont Saint-Ange, en effet, se trouvait, sur la rive droite, la partie des quais laissée en suspens, dont la construction devait achever, plus tard, de murer le fleuve entre les deux colossales murailles de forteresses, hautes et blanches. Et c'était en vérité une surprise et un charme que cette extraordinaire évocation des anciens âges, cette berge chargée de tout un lambeau de la vieille ville des papes. Sur la rue de la Lungara, les façades uniformes avaient dû être rebadigeonnées, mais ici, les derrières des maisons qui descendaient jusque dans l'eau restaient lézardées, roussies, éclaboussé de rouille, patiné par les étés brûlants comme d'antiques bronzes. Et quel amas, quel entassement incroyable! En bas, des voûtes noires où le fleuve entrait, des pilotis soutenant des murs, des pans de construction romaine plongeant à pic, puis des escaliers raides, disloqués, verdis, qui montaient de la grève, des terrasses qui se superposaient, des étages qui alignaient leurs petites fenêtres irrégulières, percées au hasard, des maisons qui se dressaient par-dessus d'autres maisons. Et cela, pêle-mêle, avec une extravagante fantaisie de balcons, de galeries de bois, de ponts jetés au travers des cours, de bouquets d'arbres qu'on aurait dit poussés sur les toits, de mansardes ajoutées plantées au milieu des tuiles roses. Un égout en face tombait d'une gorge de pierre, usée et souillée un gros bruit. Partout où la berge apparaissait, dans le retrait des maisons, elle était couverte d'une végétation folle des herbes, des arbustes, des manteaux de lierre traînant à plis royaux. Et la misère, la saleté disparaissaient sous la gloire du soleil. Les vieilles façades tassées, déjetées, devenaient en or. Des lessives entières qui séchaient aux fenêtres les pavoisaient de la pourpre des jupons rouges et de la neige aveuglante des linges. Tandis que, plus haut encore, au-dessus du quartier, le janicule s'élevait, dans l'éblouissement de l'astre, avec le fin profil de Saint Onufre parmi les cyprès et les pins. Souvent, Pierre venait s'accouder sur le parapet de l'énorme mur du quai. Et il restait là, longtemps, le cœur gonflé, plein de la tristesse des siècles morts, à regarder couler le Tibre. Rien n'aurait pu dire la grande lassitude de ces vieilles eaux, leur morne lenteur, au fond de cette tranchée babylonienne où elles étaient enfermées. Des murailles démesurées de prisons, droites, lisses, nues, toutes blafardes encore dans leur laideur neuve. Au soleil, le fleuve jaune se dorait, se moirait de vert et de bleu sous le petit frisson de son courant. Mais dès qu'il était gagné par l'ombre, il apparaissait opaque, couleur de boue, d'une vieillesse si épaisse et si lourde que les maisons d'en face ne s'y reflétaient même plus. Et quel abandon désolé, quel fleuve de silence et de solitude. Si, après les pluies d'hiver, il roulait furieusement parfois son flot menaçant, il s'engourdissait pendant les longs mois de ciel pur. Il traversait Rome sans une voix, d'une coulée sourde, comme désabusé de tout bruit inutile. On pouvait demeurer là, penché, durant la journée entière sans voir passer une barque, une voile qui l'anima. Les quelques bateaux, les deux ou trois petits vapeurs venus du littoral, les tartanes qui amenaient les vins de Sicile, s'arrêtaient tous au pied de l'Aventin. Au-delà, il n'y avait plus que des airs, des eaux mortes, dans lesquelles, de loin en loin, un pêcheur immobile laissait pendre sa ligne. Pierre ne voyait toujours, un peu à sa droite, au pied de l'ancienne berge, qu'une sorte d'antique péniche couverte, une arche de Noé à demi pourrie, peut-être un bateau lavoir, mais où jamais il n'apercevait une âme. Et il y avait encore, sur une langue de boue, un canot échoué, le flanc crevé, lamentable dans son symbole de toute navigation impossible et abandonnée. Ah, cette ruine de fleuve, aussi morte que les ruines fameuses dont elle était lasse de baigner la poussière depuis tant de siècles. Et quelle évocation, ces siècles d'histoire que les eaux jaunes avaient reflétées. Tant de choses, tant d'hommes dont elles avaient pris la fatigue et le dégoût, au point d'être devenues si lourdes, si muettes, si désertes dans leur souhait de néant. Ce fut là que Pierre, un matin, reconnut la Pierrine, debout derrière une des baraques de bois qui avait servi à serrer les outils. Elle allongeait la tête, elle regardait fixement, depuis des heures peut-être, la fenêtre de la chambre de Dario au coin de la ruelle et du quai. Effrayée sans doute par la façon sévère dont Victorine l'avait reçue, elle ne s'était pas représentée au palais pour avoir des nouvelles. Mais elle venait là, elle y passait les journées, ayant appris de quelques domestiques où était la fenêtre, attendant sans se lasser une apparition, un signe de vie et de salut, dont l'espoir seul lui faisait battre le cœur. Le prêtre s'approcha, infiniment touché de la voir se dissimuler de la sorte, si humble, si tremblante d'adoration, dans sa royale beauté. Au lieu de la gronder, de la chasser, ainsi qu'il en avait la mission, il se montra très doux et très gai, lui parla des siens comme si rien ne s'était passé, s'arrangea de manière à prononcer le nom du prince pour lui faire entendre qu'il serait sur pied avant 15 jours. D'abord, elle avait eu un sursaut, farouche, méfiante, prête à fuir. Puis, quand elle eut compris, des larmes jaillirent de ses yeux. Et toute riante cependant, bien heureuse, elle lui envoya un baiser de la main, elle lui cria « Grazie, grazie !»« Merci, merci !» en se sauvant à toutes jambes. Jamais il ne la revit. Et ce fut aussi un matin que Pierre, comme il allait dire sa messe à Sainte Brigitte sur la place Farnèse, eut la surprise de rencontrer Benedetta sortant de cette église, de si bonne heure, une toute petite fiole d'huile à la main. Elle n'eut d'ailleurs aucun embarras. Elle lui expliqua que, tous les 2 ou 3 jours, elle venait obtenir du bedeau quelques gouttes de l'huile qui alimentait la lampe brûlant devant une antique statue de bois de la Madone, en qui elle avait une absolue confiance. Elle avouait même qu'elle n'avait de confiance qu'en celle-là, car elle n'avait jamais rien obtenu quand elle s'était adressée à d'autres, pourtant très réputées, des madones de marbre et même d'argent. Aussi, une dévotion ardente, toute sa dévotion en réalité, brûlait-elle dans son cœur pour cette image sainte qui ne lui refusait rien. Et elle affirma très simplement, comme une chose naturelle, hors de discussion, que c'était ces quelques gouttes d'huile dont elle frottait matin et soir la plaie de Dario qui déterminait une guérison si prompte, tout à fait miraculeuse. Pierre, saisi, désolé d'une religion si enfantine chez cette admirable créature de sagesse, de passion et de grâce, ne se permit pas un sourire. Chaque soir, en rentrant de ses promenades, lorsqu'il venait passer une heure dans la chambre de Dario, convalescent, Benedetta voulait qu'il racontât ses journées pour distraire le malade, et ce qu'il disait, ses étonnements, ses émotions, ses colères parfois, prenait un charme triste au milieu du grand calme étouffé de la pièce. Mais surtout, quand il osa de nouveau sortir du quartier, quand il se prit de tendresse pour les jardins romains, où il allait dès l'ouverture des portes, afin d'être sûr de n'y rencontrer personne, il leur rapporta des sensations enthousiastes, tout un amour ravi des beaux arbres, des eaux jaillissantes, des terrasses élargies sur des horizons sublimes. Ce ne furent point les plus vastes parmi ces jardins qui lui emplirent le cœur davantage. À la Villa Borghese, le petit bois de Boulogne de Rome, il y avait des futaies majestueuses, des allées royales, où les voitures venaient tourner l'après-midi avant la promenade obligatoire du Corso. Et il fut plus touché par le jardin réservé devant la villa, cette villa d'un luxe de marbre éblouissant, où se trouve aujourd'hui le plus beau musée du monde. Un simple tapis d'herbe fine, un vaste bassin central que domine la blancheur nue d'une Vénus et des fragments d'antiques, des vases, des statues, des colonnes, des sarcophages rangés symétriquement en carré, et rien autre que cette herbe déserte, ensoleillée et mélancolique. Au Pincio, où il retourna, il eut une matinée exquise. Il comprit le charme de ce coin étroit, avec ses arbres rares, toujours verts, avec sa vue admirable, toute Rome et Saint-Pierre au lointain, dans la clarté si tendre, si limpide, poudrée de soleil. À la Villa Albani, à la Villa Pamphili, il retrouva les superbes pins parasols, d'une grâce géante et fière, les chênes verts puissants, aux membres tordus, à la verdure noire. Dans la dernière surtout, les chênes noyaient les allées d'un demi-jour délicieux. Le petit lac était plein de rêves avec ses saules pleureurs et ses touffes de roseaux. Le parterre en contrebas déroulait une mosaïque d'un goût baroque, tout un dessin compliqué de rosaces et d'arabesques que la diversité des fleurs et des feuilles colorait. Et ce qui le frappa dans ce jardin, le plus noble, le plus vaste, le mieux soigné, ce fut, en longeant un petit mur, de revoir Saint-Pierre encore, sous un aspect nouveau et si imprévu qu'il en emporta à jamais la symbolique image. Rome avait disparu complètement. Il n'y avait plus là, entre les pentes du mont Mario et un autre coteau boisé qui cachait la ville, que le dôme colossal, dont la masse semblait sur des blocs épars, blancs et roux. C'étaient les îlots des maisons du Borgo, les constructions entassées du Vatican et de la basilique, qu'il dominait, qu'il écrasait ainsi de sa coupole démesurée, d'un gris bleu dans le bleu clair du ciel. Tandis que derrière lui, au loin, fuyait une échappée bleuâtre de campagne illimitée, très délicate. Mais Pierre sentit davantage l'âme des choses dans des jardins moins somptueux, d'une grâce plus fermée. Ah, la Villa Mattei sur la pente du Caelius, avec son jardin en terrasse, avec ses allées intimes qui descendent bordées d'aloès, de lauriers et de fusains géants, avec ses buis amers taillés en tonnelles, avec ses orangers, ses roses et ses fontaines. Il y passa des heures adorables. Il n'eut une égale impression de charme que sur l'Aventin, en visitant les trois églises qui s'y noient parmi la verdure, à Sainte-Sabine surtout, le berceau des Dominicains, dont le petit jardin, clos de partout, sans vue aucune, dort dans une paix tiède et odorante, plantée d'orangers, au milieu desquels l'oranger séculaire de Saint-Dominique, énorme et noueux, est encore chargé d'oranges mûres. Puis, à côté, au prieuré de Malte, le jardin, au contraire, s'ouvrait sur un horizon immense, à pic au-dessus du Tibre, en filant le cours du fleuve, les façades et les toitures qui se serraient le long des deux rives, jusqu'au lointain sommet du Janicule. C'était toujours, d'ailleurs, dans ces jardins de Rome, les mêmes buis taillés, les eucalyptus aux troncs blancs, aux feuilles pâles, longues comme des chevelures, les chênes verts trapus et sombres, les pins géants, les cyprès noirs, des marbres blanchis parmi des touffes de roses, des fontaines bruissantes sous des manteaux de lierre. Et il ne goûta une joie plus tendrement attristée qu'à la villa du pape Jules, dont le portique ouvert en hémicycle sur le jardin raconte la vie d'une époque aimable et sensuelle, avec sa décoration peinte, son treillage d'or chargé de fleurs, où passent des vols souriants de petits amours. Le soir, enfin, où il revint de la villa Farnésine, il dit qu'il en rapportait toute l'âme morte de la vieille Rome. Et ce n'étaient pas les peintures exécutées d'après les cartons de Raphaël qu'il avait touchées. Et c'était plutôt la jolie salle du bord de l'eau, à la décoration bleu tendre, lilas tendre et rose tendre, d'un art sans génie, mais si charmant et si romain. C'était surtout le jardin abandonné qui descendait autrefois jusqu'au Tibre et que le nouveau quai coupait maintenant d'une désolation lamentable, ravagée, bossuée, envahie d'herbes folles, telle qu'un cimetière. Où pourtant mûrissaient toujours les fruits d'or des orangers et des citronniers. Puis, une dernière fois, il eut une secousse au cœur, le beau soir où il visita la Villa Médicis. Là, il était en terre française. Et quel merveilleux jardin encore, avec ses buis, ses pins, ses allées de magnificence et de charme. Quel refuge de rêverie antique que le très vieux et très noir bois de chêne vert, où, dans le bronze luisant des feuilles, le soleil à son déclin jetait des lueurs brasillantes d'or rouge. Il y faut monter par un escalier interminable, et de là-haut, du belvédère qui domine, on possède Rome entière d'un regard, comme si, en élargissant les bras, on allait la prendre toute. Du réfectoire de la villa, que décorent les portraits de tous les artistes pensionnaires qui s'y sont succédés, de la bibliothèque surtout, une grande salle au calme profond, on a la même vue admirable, la plus large et la plus conquérante, une vue d'ambition démesurée, dont l'infini devrait mettre au cœur des jeunes gens enfermés là, la volonté de posséder le monde. Lui, qui était venu hostile à l'institution du prix de Rome, à cette éducation traditionnelle et uniforme si dangereuse pour l'originalité, resta séduit un instant par cette paix tiède, cette solitude limpide du jardin, cet horizon sublime où semblaient battre les ailes du génie. Ah, quel délice d'avoir 20 ans, vivre 3 années dans cette douceur de rêve, au milieu des plus belles œuvres humaines, se dire qu'on est trop jeune pour produire encore, et se recueillir, et se chercher, apprendre à jouir, à souffrir, à aimer. Mais ensuite, il réfléchit que ce n'était point là une besogne de jeunesse, que pour goûter la divine jouissance d'une telle retraite d'art et de ciel bleu, il fallait certainement l'âge mûr, les victoires déjà gagnées, la lassitude commençante des œuvres accomplies. Il causa avec les pensionnaires, il remarqua que, si les jeunes âmes de songe et de contemplation, ainsi que la simple médiocrité, s'y accommodaient de cette vie cloîtrée dans l'art du passé, tout artiste de bataille, tout tempérament personnel s'y mourait d'impatience, les yeux tournés vers Paris, dévorés par la hâte d'être en pleine fournaise de production et de lutte. Et tous ces jardins dont Pierre leur parlait le soir avec ravissement, éveillaient chez Benedetta et chez Dario le souvenir du jardin de la Villa Montefiori, aujourd'hui saccagé, autrefois si verdoyant, planté des plus beaux orangers de Rome, tout un bois d'orangers centenaires dans lequel ils avaient appris à s'aimer. « Ah, je me rappelle, » disait la contessina, « à l'époque des fleurs, c'était une bonne odeur à en mourir, tellement forte, tellement grisante, qu'une fois je suis restée dans l'herbe sans pouvoir me relever. » Te souviens-tu, Dario? Tu m'as prise dans tes bras, tu m'as portée près de la fontaine, où il faisait très bon et très frais. Elle était assise au bord du lit, comme à son ordinaire, et elle tenait dans sa main la main du convalescent, qui s'était mise à sourire. Oui, oui, je t'ai baisé sur les yeux et tu les as rouverts enfin. Tu te montrais moins cruelle en ce temps-là. Tu me laissais te baiser les yeux autant qu'il me plaisait. Mais nous étions des enfants, et si nous n'avions pas été des enfants, nous aurions été mari et femme tout de suite, dans ce grand jardin qui sentait si fort et où nous courions si libres. » Elle approuvait de la tête, convaincue que la Madone seule les avait protégés. « C'est bien vrai, c'est bien vrai. Et quel bonheur, maintenant que nous allons pouvoir être l'un à l'autre, sans faire pleurer les anges !» La conversation en revenait toujours là. L'affaire de l'annulation du mariage prenait une tournure de plus en plus favorable, et Pierre assistait chaque soir à leur enchantement, ne les entendait causer que de leur union prochaine, de leurs projets, de leur joie d'amoureux lâchés en plein paradis. Dirigée cette fois par une main toute puissante, Donna Séraphina devait mener les choses avec vigueur, car il ne se passait guère de jour sans qu'elle rapportât quelque nouvelle heureuse. Elle avait hâte de terminer cette affaire pour la continuation et pour l'honneur du nom, puisque Dario ne voulait épouser que sa cousine, et que, d'autre part, ce mariage expliquerait tout, ferait tout excuser, en mettant fin à une situation désormais intolérable. Le scandale abominable, les affreux commérages qui bouleversaient le monde noir et le monde blanc, finissaient par la jeter hors d'elle. D'autant plus qu'elle sentait la nécessité d'une victoire devant l'éventualité d'un conclave possible où elle désirait que le nom de son frère brillât d'un éclat pur, souverain. Jamais cette secrète ambition de toute sa vie, cet espoir de voir sa race donner un troisième pape à l'Église, ne l'avait brûlé d'une pareille passion, comme si elle avait eu le besoin de se consoler dans son froid célibat, depuis que son unique joie en ce monde, l'avocat Morano, la délaissait si durement. Toujours vêtue d'une robe sombre, active et si mince, si pincée, qu'on l'aurait prise par derrière pour une jeune fille, elle était comme l'âme noire du vieux palais. Et Pierre, qui l'y rencontrait partout, rôdant en intendante soigneuse, veillant jalousement sur le cardinal, la saluait en silence, saisie chaque fois d'un petit froid au cœur, en la voyant de visage si desséché, coupé de longs plis, planté du grand nez volontaire de la famille. Mais elle lui rendait à peine son salut, restée dédaigneuse de ce petit prêtre étranger, ne le tolérant dans son intimité que pour complaire à Monsignor et Nanny. Désireuse en outre d'être agréable au vicomte Philibert de la Choux, qui avait amené de si beaux pèlerinages à Rome. Peu à peu, en voyant chaque soir la joie anxieuse, l'impatience d'amour de Benedetta et de Dario, Pierre finit par se passionner avec eux, en souhaitant une solution prompte. L'affaire allait se représenter devant la congrégation du concile, dont une première décision en faveur du divorce était restée nulle, le défenseur du mariage, Monsignore Palma, ayant demandé, selon son droit, un supplément d'enquête. D'ailleurs, cette première décision, prise seulement à une voix de majorité, n'aurait sûrement pas été ratifiée par le Saint-Père. Et il s'agissait, en somme, de conquérir des voix parmi les 10 cardinaux dont la congrégation se composait, de les convaincre d'obtenir la presque unanimité. Besogne ardue, car la parenté de Benedetta, cet oncle cardinal qui semblait devoir tout faciliter, aggravait les choses au milieu des intrigues compliquées du Vatican, des rivalités qui brûlaient de tuer en lui le pape possible, en éternisant le scandale. C'était à cette conquête de voix que Donna Séraphina se lançait chaque après-midi, dirigée par son confesseur, le père Lorenza, qu'elle allait voir quotidiennement au Collège germanique, le dernier refuge à Rome des jésuites qui ont cessé d'y être les maîtres du Gesù. L'espoir du succès tenait surtout à ce que Prada, lassé, irrité, avait déclaré formellement qu'il ne se présenterait plus. Il ne répondait même pas aux assignations répétées, tellement l'accusation d'impuissance lui semblait odieuse et ridicule, depuis que Lisbeth, sa maîtresse avérée, était enceinte de ses œuvres, aux yeux de la ville entière. Il se taisait donc, affecté de n'avoir jamais été marié, bien que la blessure de son désir tenu en échec, de son orgueil de mâle souffleté, saigna toujours au fond, rouverte sans cesse par les histoires qui continuaient, les doutes sur sa paternité que faisait courir le monde noir. Et puisque la partie adverse se désistait, disparaissait de son plein gré. On comprenait l'espérance croissante de Benedetta et de Dario chaque soir, lorsque Donna Serafina, en rentrant, leur annonçait qu'elle croyait bien avoir gagné encore la voix d'un cardinal.